Ce papier plié en quatre le sauverait peut-être. Fabien le dépliait, les dents serrées. Impossible de s'entendre avec Buenos Aires. Je ne puis même plus manipuler. Je reçois des étincelles dans les doigts. Fabien, irrité, voulut répondre. Mais quand ses mains lâchèrent les commandes pour écrire, une sorte de houle puissante pénétra son corps. Les remous le soulevaient, dans ses 5 tonnes de métal, et le basculaient. Il y renonça. Ses mains, de nouveau, se fermèrent sur la houle et la réduisirent. Fabien usait ses forces à dominer l'avion, la tête enfoncée dans la carlingue, face à l'horizon gyroscopique, car au dehors, il ne distinguait plus la masse du ciel de celle de la terre. Perdu dans une ombre où tout se mêlait, une ombre d'origine des mondes. Mais les aiguilles des indicateurs de position oscillaient de plus en plus vite, devenaient difficiles à suivre. Déjà le pilote, qu'elle trompait, se débattait mal, perdait son altitude, s'enlisait peu à peu dans cette ombre. Il lut sa hauteur. 500 mètres. C'était le niveau des collines. Il en prit son parti. Au risque d'emboutir, il atterrirait n'importe où. Et pour éviter au moins les collines, il lâcha son unique fusée éclairante. La fusée s'enflamma, tournoya, illumina une plaine et s'y éteignit. C'était la mer. Il pensa très vite. Perdu. 40 degrés de correction. J'ai dérivé quand même. C'est un cyclone. Où est la terre? Il virait plein ouest. Il pensa. Sans fusée, maintenant, je me tue. Il aurait pu lutter encore, tenter sa chance. Il n'y a pas de fatalité extérieure. Mais il y a une fatalité intérieure. Vient une minute où l'on se découvre vulnérable. Alors, les fautes vous attirent comme un vertige. Et c'est à cette minute que luire sur sa tête, dans une déchirure de la tempête, comme un appât mortel au fond d'une nasse, quelques étoiles. Il jugea bien que c'était un piège. On voit 3 étoiles dans un trou, on monte vers elles, ensuite on ne peut plus descendre. On reste là, à mordre les étoiles. Mais sa fin de lumière était telle qu'il monta.